إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on continue inshallah dans notre explication. Aujourd'hui c'est le cours numéro 41 et on explique le chapitre qui s'intitule Babun fi zakati urud at-tijara dans le livre de Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Le cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah, il parle maintenant de urud at-tijara, c'est-à-dire que il y a une zakat à payer sur les biens que tu possèdes dans le but de, ou dans l'intention de faire du commerce avec. Il faut que tu payes la zakat. Tu as une zakat à payer sur ces biens-là. Le cheikh il dit al-urud jam'u arad bi iskan ar-ra arad wa huwa ma u'idda li bay'in wa shira li ajli ar-ribh. سمي بذلك لأنه يعرض ليباع أو يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه أو لأنه يعرض ثم يزول. والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعروض التجارة هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. الشيخ الذكاء أميما العروض c'est le pluriel du mot عرض، et ça veut dire qu'est-ce qui a été préparé et présenté dans le but de soit d'être vendu ou acheté يعني dans le but de faire du profit avec. On l'appelle عرض، on l'appelle comme ça parce qu'il est présenté pour être vendu ou acheté، ou bien aussi parce que il est présenté puis il disparaît, il part. Donc on l'appelle ard à cause de ça, ard. Donc le cheikh il dit que la preuve qu'il est obligatoire de payer la zakat sur les biens qui sont exposés comme pour vendre et pour les choses qui ont rapport avec les biens qu'on possède dans le but de faire du commerce avec, l'épreuve de cette obligation-là, c'est dans les versets qui sont mentionnés par le Cheikh, comme le verset 103 dans Sourate Tawba. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Ça veut dire, prends une portion de leurs biens, hein, comme sadaqa, hein, comme zakat, dans le but de les purifier, hein, et de les C'est ça, dans le but de les purifier. At-tathir wa at-tazkiya. Dans le but de les purifier et de leur faire une tazkiya. Et yani, les deux mots, c'est presque le même. Ça a des significations qui sont proches l'une de l'autre. C'est pour ça que j'ai un petit peu de misère à traduire ça, mais quand même, si on regarde dans la traduction qui a été faite de ces termes-là, les purifier et les bénir. Donc, dans le but de les purifier et les bénir, ils ont traduit Otuzakihim biha par le terme bénir. Bon. Et l'autre verset qui a été mentionné comme preuve, c'est dans Surat al-Ma'arij, le verset 24 et 25. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ C'est-à-dire que ceux sur lesquels ou dans les biens desquels il y a un droit qui est précis, qui est connu pour ceux qui sont indigents et ceux qui ont été, privés de leurs biens, soit parce qu'ils ont perdu leurs biens ou bien parce qu'ils ont eu un malheur qui les a privés de ces biens-là. C'est comme par exemple des personnes qui sont victimes d'un accident, d'un feu, d'une inondation, des trucs comme ça, ils perdent tout ce qu'ils possédaient, même s'ils étaient riches un jour, le lendemain ils n'ont plus rien. Donc ces gens-là, on les appelle al-mahroumoun, c'est les gens qui n'ont plus de biens, qui ont eu un malheur. Oui, donc c'est ça. Ceux sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, c'est-à-dire la zakat. Ça c'est comme le verset dit, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. Ok, donc le cheikh il dit que la plupart des biens que les gens possèdent sont des biens qui ont rapport avec le commerce. Et donc c'est normal donc que ces biens-là rentrent dans l'obligation de la zakat. Et en réalité même, ces biens-là rentrent dans la zakat comme une priorité même dans les questions qui ont rapport avec la zakat. Parce que si les gens, par exemple, si les riches savaient que si les riches pensaient que par exemple la zakat était uniquement obligatoire dans l'or et l'argent et les bestiaux ou les bêtes, comme on l'a mentionné déjà, ou les fruits et les céréales et les grains, donc ils auraient toujours acheté des marchandises dans le but d'éviter de payer de la zakat. Donc c'est normal qu'ils aient à payer de la zakat. Mais bien entendu, il y a des conditions pour que quelqu'un ait à payer de la zakat sur ces biens-là, sur les biens qu'il possède, dans le but de faire du commerce. On va mentionner ça au fur et à mesure pour clarifier ça, inshallah. Cheikh il dit, rawa Abu Dawood an Samura, كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud. C'est le hadith 1562 dans le kitab Al-Zakat. Et dans ce hadith-là, qui est rapporté selon Samura, ça dit qu'il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم nous ordonnait de sortir ou de faire sortir la zakat, de payer la zakat de ce qu'on a préparé dans le but de faire du commerce ou dans le but de le vendre. Et donc le cheikh dit pourquoi? Parce que لأنها أموال نامية فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. Donc le cheikh il dit que plusieurs parmi les ulama ont mentionné qu'il y a un consensus des savants au sujet de payer la zakat sur les biens que les gens possèdent dans le but de faire du commerce avec. Donc il y a une ijma des savants à ce sujet-là. Et ok, donc في عروض التجارة التي يراد التجارة بها. Plusieurs savants ont mentionné ce consensus-là. على أن في العروض التي يراد بها التجارة زكاة إذا حال عليها الحول. OK, donc les biens qu'on possède dans le but de faire du commerce avec, c'est de l'argent qui augmente, qui fructifie, qui fait du profit, qui augmente, qui s'agrandit, ces biens-là augmentent. Et donc, à cause de ça, il faut payer la zakat dessus, comme on doit payer la zakat sur le bétail qu'on possède et qu'on fait pâtre et qu'on amène dans les pâturages pour brouter, etc. Donc, de ce bétail-là, il faut payer la zakat. La même chose pour les biens qu'on a achetés dans le but de faire du commerce. Lorsque ces biens-là ont passé une année et qu'elles ont atteint le nisab. Et le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. OK? Donc, il dit, il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah. Il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة والسائر الأئمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا سواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر أو مديرا كالتاجر الذي في الحوانيت سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك أو كانت آنية كالفخار ونحوه أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار نعم هي أغلب الأموال أموال أهل الأمصار الباطنة كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة انتهى كلام الشيخ رحمه الله donc Ibn Taymiyyah رحمه الله il dit que les quatre imams des madhahib sont d'accord de même que les autres imams excepté quelques exceptions mais c'est des petites exceptions qui sont très rares comme par exemple le madhhab al-Zahiri, il considère que c'est pas obligatoire de payer la zakat pour les urud al-tijara. Hein? Mais ça c'est, comme le cheikh il dit, c'est une exception. Les quatre imams, de même que le reste de la umma sont d'accord que c'est obligatoire de payer la zakat pour les choses qu'on a possédées dans le but de faire du commerce avec. Peu importe que le commerçant qui fait ce commerce-là soit chez lui, dans son pays établi, ou bien qu'il soit en voyage, peu importe qu'il ait acheté cette marchandise-là à un bas prix et qu'il l'a entreposée dans le but d'attendre que les prix sur le marché augmentent pour faire plus de profit, ou bien qu'il soit un commerçant qui a un magasin et qui vend sa marchandise dans ce magasin-là, ou peu importe que ce soit quelqu'un qui vend des choses neuves ou usagées, ou qui vend de la nourriture, que ce soit al-qout, comme on dit en arabe. Qout, c'est qu'est-ce que les gens mangent, comme par exemple du riz, du pain, des trucs comme ça, ou bien des fruits, ou d'autres choses qui ont rapport avec la nourriture. Al-kanat aniyatan, ou bien quelqu'un qui vend des contenants comme des poteries, des trucs de ce genre, ou des animaux, hein, il vend des animaux, ou bien il vend peu importe ce qu'il vend, hein, des choses halal, et dans ce cas-là, il doit payer la zakat sur ces choses-là. Tijarat, hein, les choses qu'on utilise pour faire du commerce avec, pour vendre et pour acheter, eh bien, c'est la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils ont comme bien, c'est ces choses-là, parmi les gens des grandes villes. Ça, c'est les biens qu'ils possèdent, qui ne sont pas apparents, et tandis que pour les gens qui vivent dans les fermes et dans les bédouins ou dans les campagnes, eh bien eux, qu'est-ce qu'ils possèdent comme bien, c'est les animaux qu'ils ont dans leur ferme. Et ça, ça fait partie de des biens qui sont apparents. Naam. Donc ça, c'est la fin de la citation de, des paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, et on peut retrouver ça dans le volume 25 de Majmou' al-Fatawa, à la page 15. De la page 15 jusqu'à la page 45, il en parle en détail. Après, le cheikh, il donne les conditions qui sont nécessaires pour que les, la zakat soit obligatoire pour les biens qu'on possède comme pour faire du commerce avec. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ignorent qu'ils doivent payer la zakat sur les biens qu'ils ont dans leur commerce. Et ça, c'est très important donc d'être au courant de ça. Le cheikh, il donne les conditions. الشرط الأول أن يملكها بفعله كالبيع وقبول الهبة والوصية والإجارة وغير ذلك من وجوه المكاسب. La première condition, c'est qu'il ait acquis ces biens-là. Il les a acquis par lui-même, par son propre action, dans le sens qu'il l'a eu par commerce, en faisant du commerce, ou bien il l'a reçu en cadeau, ou bien il l'a reçu comme wasiya, c'est-à-dire comme un testament, ou bien il l'a eu comme location, comme disons loyer d'une location, ou d'autres raisons de ce genre. Parmi les façon que tu peux acquérir les biens qui sont halal. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة بأن يقصد التكسب بها لأن الأعمال بالنيات والتجارة عمل فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال. La deuxième condition, c'est qu'il faut que la personne ait possédé ces biens-là quand il les a eus avec l'intention de faire du commerce avec. Hein, il faut qu'il les ait achetés ou possédés dans le but de faire du commerce avec. S'il a reçu ces biens-là au début sans, ou qu'il l'a acheté sans avoir l'intention de faire du commerce avec, puis par la suite il l'a vendu, dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans la condition. Non. Parce que, comme on sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama al-a'malu bin-niyyat ». Donc, les actions sont récompensés ou ont un lien avec les intentions qui sont reliées avec. Et donc, si quelqu'un a eu ces biens-là, il faut qu'il les ait eus avec l'intention de faire le commerce et qu'il ait eu l'intention de faire de l'argent avec et d'augmenter son capital. Donc, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît l'intention de la personne. Donc, on ne peut pas trahir ou tromper Allah subhanahu wa ta'ala. De même que le cheikh il dit que التجارة عمل فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال. Donc le cheikh il dit que de faire du commerce c'est un acte, et donc il faut avoir une intention pour cet acte là comme pour toutes les autres actions qu'on fait. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين. Le cheikh il dit que comme condition, il faut que la valeur, il faut que ces biens-là aient atteint la valeur du nisab dans une des deux monnaies qu'on utilise, soit l'or ou l'argent. Donc, il faut que ces biens-là, le total des biens qu'on possède dans le but de vendre ou acheter, il faut que ces biens-là aient leur valeur ait atteint la valeur du nisab. Hein, il faut que ces biens-là aient atteint la valeur du nisab. Et comme j'ai appelé hier le cheikh Ismail Moundakar pour lui poser des questions à ce sujet-là, et puis il m'a expliqué que les biens que tu possèdes, tu calcules la valeur à laquelle tu les as achetés, et non pas la valeur à laquelle tu les vends. D'accord? Tu prends en considération la valeur à laquelle tu les as achetés. Le cheikh dit الشرط الرابع تمام الحول عليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به. الشيخ il dit que la quatrième condition, c'est qu'il faut que ça ait fait une année complète. Il faut que ces biens-là, yani, tu aies l'argent, il faut que ces biens-là, comme il faut qu'il y ait un an qui est passé sur cet argent-là, sur ces biens-là. Le cheikh, il dit, il mentionne les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui dit « La zakat fi malin hatta yahulu alayhi al-hawl » Il n'y a pas de zakat excepté pour les biens qui ont passé un an, qui ont fait un an entier. Et le cheikh Saleh Al-Fawzan, il mentionnait, comme je pense que je l'ai déjà expliqué ou que je l'ai déjà mentionné, mais c'est qu'on doit prendre en considération le calendrier islamique là-dedans et non pas le calendrier chrétien, les grégoriens qu'on utilise en Occident. Parce que bien entendu, les jours sont pas... les mois sont pas de la même longueur parfois, donc c'est pas toujours la même chose. وكيفيه اخراج الزكاه او الشيخ يقول ولو ولكن لو اشترى ارضا بنصاب من النقود او بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به. Donc le cheikh il dit que si comme par exemple, supposons que tu as acheté des biens et la valeur d'argent que tu as utilisé, le montant d'argent que tu as utilisé pour acheter ces biens-là était déjà de la valeur du nisab, hein, c'est-à-dire quand tu as acheté ces biens-là, l'argent que tu as utilisé pour acheter ces biens était égal ou plus à la valeur du nisab. Dans ce cas-là, tu te bases sur l'année de l'argent avec laquelle tu l'as acheté, t'as acheté ces biens là. Donc comme on avait expliqué, comme j'ai expliqué dans le dars, parce que hier j'avais expliqué qu'il y avait une petite erreur au sujet du poids pour les pour l'or, le nisab de l'or. Hier j'avais dit que c'était 62 grammes. Alors que dans la vérification que j'ai fait, dans tous les autres références que j'ai trouvées, Majalat al-Buhuth et d'autres, on mentionne que le poids c'est 85 grammes et non pas 62 grammes. Ok? Parce que la personne qui a fait le test et qui a fait l'expérience, il a utilisé des graines d'orge, il a utilisé 72 graines d'orge, mais on voit que par exemple, peut-être qu'il n'a pas fait la moyenne de grosseur pour déterminer la moyenne de la grosseur des graines d'orge, parce qu'il y a des grains qui sont plus gros, il y a des grains qui sont plus petits, et si tu prends uniquement les petits, tu vas avoir une valeur qui est plus petite que la vraie valeur ou le vrai poids nécessaire. Et donc il faut pas prendre les plus grosses seulement, il faut pas prendre les plus petites seulement, mais il faut prendre celles qui sont entre les deux. Et donc les savants ont fait les expériences en prenant en considération de toutes ces choses-là, puis ils ont fait la moyenne, et donc qu'est-ce qui est la bonne valeur qui est acceptée partout, c'est 85 grammes. C'est-à-dire pour la valeur d'un mithqal, ils ont dit que c'était 4,25, puis si tu fais 4,25 fois 20, ça te donne 85 grammes, donc ça c'est la valeur du nisab. Et si on prend en considération la valeur de l'or hier en euros, on avait expliqué hier que la valeur d'une once en euros c'était 641,34 euros. Donc pour 85 grammes c'était 1752,86 euros. Parce que un once c'est 31,10 grammes. D'accord? Sinon, on pourrait prendre la valeur de 1 gramme en or qui était 20 euros et 62 centimes. Donc, si 1 gramme vaut 20 euros et 62 centimes, donc 85 grammes vaut, comme on l'a dit, 1700. 1752 euros et quelques centimes. Donc, ça c'est le nisab pour la valeur de l'or telle qu'elle était sur le marché hier. Donc, vous pouvez toujours retourner au site que j'ai mentionné hier comme référence, qui est un bon site pour connaître les valeurs de l'or et de l'argent. Et le cheikh, il dit que peu importe de quelle des deux monnaies tu as, c'est-à-dire si ça atteint le nisab pour l'or ou pour l'argent, dans ce cas-là, tu prends celui qui est le premier avec lequel il a atteint le nisab. Et on sait que le nisab de l'argent, il est plus bas que le nisab de l'or. Hein? Et pour le nisab de l'or, c'est 595 grammes. Pour le nisab d'argent, c'est 595 grammes d'argent. Donc, vous faites le calcul par rapport à la valeur d'un gramme d'argent. Comment il vaut? Hier, c'était, je pense, 63 sous en dollars canadiens, et donc ça donnait une valeur vraiment basse par rapport à la valeur du nisab de l'or. Donc vous prenez la celle des deux qui est le plus avantageux pour les pauvres. C'est ça ce que le cheikh explique. Et donc, comme je disais, pour sortir la zakat, vous vous basez, si par exemple la marchandise que vous avez achetée et a déjà la valeur du nisab en partant, et bien vous basez sur la date à laquelle vous avez eu cet argent-là avec laquelle vous avez acheté la marchandise. Si vous l'avez eu depuis, supposons que vous l'avez cet argent-là depuis 6 mois, et bien vous calculez l'année pour les biens que vous avez achetés à partir de en calculant ces 6 mois-là. D'accord? Donc, si vous avez acheté, supposons, 3 000 euros ou 3 000 dollars de marchandises, et que vous avez ce 3 000 dollars-là depuis 6 mois, eh bien, les biens que vous avez achetés avec pour vendre, dans 6 mois, ça va faire 12 mois, donc vous allez calculer la zakat à partir de cette année-là. À partir de, en calculant les 6 mois de l'argent que vous avez utilisé pour acheter ces biens. Ça, c'est l'explication du cheikh ici à ce sujet-là. Après, il dit كيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة أو ما يقاوم مقامهما من الورق النقدي. شيخ يسار نبذ باج. أبقيدي ويراعي في ذلك الأحظ للفقراء. فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها ولا يعتبر ما اشتريت به. بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. الشيخ dit donc que la façon dont tu dois faire sortir ou tu dois payer ta zakat pour les biens que tu possèdes pour vendre dans ton magasin, c'est que tu attends, il faut que ça ait passé un an, hein, toute cette valeur de cet argent-là ait passé un an, et qu'elle a atteint le nisab d'une des deux monnaies, que ce soit l'or ou l'argent. Et tu regardes qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour le pauvre, non pas pour tes intérêts personnels à toi en tant que commerçant, en tant que vendeur, mais tu regardes l'intérêt en tant que pour les pauvres, on est dans le bien des pauvres, dans l'intérêt des pauvres. Et donc si tu vois que tu as fait le calcul et tu as fait les rapports et tu vois que tu as atteint le nisab dans une des deux monnaies, dans ce cas-là, tu paies de cette valeur-là rub al-ushur, un quart d'un dixième de sa valeur, donc un quarantième, ou bien 2.5%. Ça, c'est la valeur de la zakat que tu dois payer sur cette valeur-là. Et le cheikh, il dit, tu ne prends pas en considération le prix au moment où tu l'avais acheté. Tu ne prends pas en considération qu'est-ce que tu l'as acheté, l'argent avec lequel tu l'as acheté, mais tu considères qu'est-ce qu'il vaut au moment de la fin de l'année. Hein, au moment de la fin de l'année. Donc ça, c'est ce que je comprends dans les paroles du cheikh. Et donc, si c'est ça vraiment ce que le cheikh dit ici, c'est qu'en fait, tu dois considérer la valeur de la chose ou le prix de la chose à la fin de l'année à laquelle tu l'as acheté et non pas au moment où tu l'as acheté, la somme que tu as dépensée pour l'acheter. Donc, ce serait le contraire de ce que le cheikh Ismaïl Mundakar aurait dit, mais bon, yani, Allahu a'lam, qu'est-ce qui est le plus important, c'est de faire qu'est-ce qui est le mieux pour le pauvre. Et le cheikh, il dit, لِأَنَّهُ هُوَ عَيْنُ الْعَدْلِ, hein, parce que ça, c'est la justice en ce qui concerne le commerçant, et c'est la justice pour la personne qui reçoit la zakat. Donc tu vois qu'est-ce qui est le mieux pour le pauvre, qu'est-ce qui va l'aider le plus. Et c'est ça que le commerçant devrait avoir comme intention quand il calcule sa zakat. C'est pas essayer de payer le moins possible ou essayer de se débarrasser de la zakat ou essayer de se faufiler pour détourner l'obligation ou bien essayer de payer le moins possible comme on a dit. Et de compter les choses d'une façon à faire en sorte que il paye moins de zakat. Non, il devrait essayer d'aider le plus possible les pauvres et de leur donner leur droit, qu'est-ce qui leur revient. Le cheikh dit wa yajibu ala al-muslim istiqsa wa at-tadqiq wa muhasabata nafsihi fi ikhraj zakat al-urud كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ويقومها تقويما عادلا فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع والمعلبات وأصناف البضائع لشيخ الزكاه quand tu calcules ta zakat. Hein, il dit, le musulman, il doit être très précis. Il doit calculer sa zakat lui-même et calculer combien il doit faire sortir. Donc, c'est comme si en réalité, il fait l'inventaire. Comme quand les gens font l'inventaire de leur marchandise, ben, c'est ça ce qu'il doit faire quand il veut payer la zakat. Il prend l'inventaire de tout ce qu'il possède comme bien et marchandises pour vendre et il calcule. Comme une personne qui est avare quand il veut être certain de savoir exactement tout ce qu'il possède, il calcule d'une façon précise et donc il devrait se calculer lui-même ce qu'il possède de cette façon-là dans le but d'arriver à d'être le plus juste possible, hein, pour le pauvre, hein. Comme quand quelqu'un qui est avare, hein, il va calculer les petits détails très précisément pour savoir exactement tout ce qu'il a, pour voir qu'il n'a rien perdu. Eh bien, tu dois faire de cette façon-là, tu dois prendre le calcul de ta zakat et de ta marchandise dans le but de faire le mieux et le plus de justice envers le pauvre. Donc, si tu possèdes, par exemple, un petit dépanneur, nous on appelle ça des dépanneurs, je sais pas comment vous appelez en France, je pense que c'est les petits magasins au coin de la rue où on vend des choses qu'on a besoin, là, que tout le monde a besoin, du lait, des trucs comme ça. Bon, ben, ces petits dépanneurs-là, comme on les appelle, eh ben, si quelqu'un est propriétaire d'un magasin comme ça, et là, il doit calculer tout ce qu'il a dans son magasin comme marchandise pour vendre. Hein, que ce soit des biens comme des nourritures ou des paquets ou n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a comme sac, comme boîte ou n'importe quoi pour vendre, il doit les prendre en considération et les calculer pour savoir combien il doit payer de zakat sur ces biens-là. Ensuite, le cheikh dit « Wa sahibul aliyat wa qat' al-ghayar wa al-maka'in wa al-sayarat al-ma'arouda lil-bay' yuhsiha wa yuqawwimuha » La personne qui possède des marchandises, des voitures, toutes sortes de biens de ce genre, il les calcule, hein, s'il les a pour dans le but de les vendre et qu'elles sont exposées pour être vendues, ben il les calcule, puis il voit combien il a, puis il fait sortir sa zakat. وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي. La personne qui possède des terrains à vendre ou qui possède des gratte-ciels ou pas des gratte-ciels, mais des bâtiments, hein, des bâtiments à vendre, ben il fait le calcul de leur valeur, puis il regarde qu'est-ce qu'elles valent. أما الإمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار فلا زكاة في ذواتها وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليها صاحبها من إيجارها إذا حال عليه الحول. Le cheikh dit, en ce qui concerne les constructions, les bâtiments, les maisons et les voitures qu'il a dans le but de les louer, hein, quand il fait la location de ces maisons ou de ces bâtiments ou de ces voitures, dans ce cas-là, il n'a pas à payer de zakat sur ces biens-là. Mais il paie la zakat sur le salaire ou la location, le loyer qu'il retire de ces commerces-là lorsque ça fait un an. Après un an, il sort la zakat si ça dépasse le montant de la nisab, du nisab. Le cheikh il dit « Wal buyout al mu'adda lis sukna wa sayarat al mu'adda lir rukub wal haja la zakata fiha » وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر كالأذرع والمكاييل والموازين والقوارير والعطار وكل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لا تباع للتجارة. الشيخ يقول que tout ce que tu utilises, tout ce que tu as comme par exemple ta maison, tes maisons dans lesquelles tu habites, ou tes voitures que tu utilises pour aller là où tu veux, et que tu as besoin de ces choses-là, il n'y a pas de zakat là-dessus. La zakat, tu payes sur les choses que tu veux vendre, mais pas sur les choses que tu as pour ton propre utilisation personnelle. De même que les meubles et les biens que tu as dans ton magasin, ou les meubles que tu as dans ta maison, ou les instruments que tu as besoin pour travailler dans ton magasin, il n'y a pas de zakat là-dessus. Hein? Comme si tu as des balances, la caisse enregistreuse, tout ce que tu as dans le magasin qui est nécessaire pour ton commerce, ça, il n'y a pas de zakat à payer là-dessus. D'accord? Et c'est juste sur les biens que tu as et que tu vends qu'il y a une zakat à payer. Non. Et donc ça c'est un point important. Il y avait un autre point aussi que je voulais mentionner qui a rapport avec ça, mais bon, ça m'est sorti de l'esprit en ce moment. Peut-être ça va me revenir, inshallah. Le cheikh il dit: أيها المسلم أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة ولا تعتبر ولا تعتبرها مغرما. قال الله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفقون مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Ça c'est les versets 98 et 99 dans sourate At-Tawbah. Et le cheikh il dit, avant de mentionner ce verset là, il dit: fais sortir la zakat de tes biens, hein, avec une bonne intention, dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et de le faire en croyant que c'est une bonne action que tu fais et que tu remplis une obligation que Allah t'a ordonné de faire. Il ne faut pas que tu dépenses ta zakat comme si tu la vois comme étant une amende à payer, hein, comme une taxe ou comme une amende ou un impôt. C'est pas comme ça que tu dois voir la zakat. Au contraire, tu dois la voir comme quelque chose qui t'enrichit et qui te purifie et qui t'aide dans la dunya, qui est un bien pour toi dans la dunya et dans l'akhirah. Et non pas de la voir comme étant une amende ou une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il cite les deux versets. Et ça c'est dans le verset 98 et 99 dans sourate At-Tawba, le cheikh il mentionne ces versets là. Parmi les bédouins, certains prennent leurs dépenses, c'est-à-dire en aumône ou la zakat ou autre, comme une charge onéreuse, hein, et attendent pour vous un revers de fortune, que le malheur retombe sur eux. Allah est audient et omniscient. Tel autre parmi les bédouins croit en Allah et au jour dernier et prend ce qu'il dépense comme moyen de se rapprocher d'Allah et afin de bénéficier des invocations du messager. C'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah et Allah les admettra en sa miséricorde car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est l'exemple de, ou bien c'est plutôt deux exemples. L'exemple des premiers bédouins qui prennent la zakat comme quelque chose qui est mis sur eux, comme une amende ou quelque chose qui est un poids lourd, une charge, et tandis que les autres bédouins qui ont la foi et qui voient que c'est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. فكل من الصنفين يخرج الزكاة ويعامل عند الله على حسب نيته ويعامل عند الله على حسب نيته وقصده فهؤلاء أخرجوها ونووها مغرما يتسترون بها عن حكم الإسلام فيهم ويتظاهرون أو ينتظرون أن تدور الدوائر على المسلمين فينتقموا منهم فصار جزاؤهم أن عليهم دائرة السوء وحرموا الثواب وخسروا من أموالهم والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يخرجونها قربات لهم فإن فهؤلاء يوفر لهم الأجر ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته لنيتهم الحسنة ومقصدهم الأسمى فاتقوا الله أيها المسلم واستشعر هذه المعاني وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Le cheikh dit qu'on voit donc que ces deux catégories-là sont différentes. La première catégorie, ils ont agi avec Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils seront récompensés selon leur intention et qu'est-ce qu'ils avaient comme but. Et donc le premier groupe, on a vu, ils voient que on voit que leur intention était mauvaise et qu'ils prenaient la zakat comme une dette ou comme quelque chose qui était lourd sur eux et ils l'utilisaient aussi comme un moyen de se camoufler et de se cacher contre le verdict de l'islam dans le sens que hein, ils voulaient paraître comme étant des musulmans et ne pas se faire disons humilier par le fait qu'ils sont dans le shirk et dans le kufr, ou bien parce qu'ils ont du nifaq dans leur cœur. Donc ils ont prétendu être musulmans, puis ils ont payé cette taxe, ou bien disons la zakat comme étant une taxe, comme si c'était quelque chose de lourd sur leur dos. Et ils attendaient plutôt qu'un revers de fortune tombe sur les musulmans, pour que les musulmans soit yani, faible, et que eux par la suite puissent se venger des musulmans. Et donc la récompense, ou le disons plutôt la rétribution qu'ils ont eue, c'est que c'est contre eux que la fortune, ou disons le mal, s'est retourné, et ils ont donc été privés de la récompense dans la dunya et de la récompense dans l'akhira, et en même temps ils ont perdu leur bien dans cette dunya. Le cheikh il dit que tandis qu'il y a l'autre groupe qui était le groupe des croyants, ceux-là ont considéré la zakat quand ils l'ont fait sortir comme étant des moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné leur récompense, et il leur a laissé il leur a donné par la suite quelque chose de meilleur, hein, de quelque chose de meilleur que ce qu'ils avaient dépensé. Et le verset dit que c'est certes un moyen pour eux de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va en fait les faire rentrer dans sa miséricorde. Et donc on voit que à cause de leur bonne intention, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la récompense de la miséricorde. Après, le cheikh il dit donc, craignez donc Allah, ou crains donc Allah, ô toi musulman, et réfléchis sur le sens du verset suivant, et donnez à Allah subhanahu wa ta'ala un prêt, un bon prêt, faites à Allah subhanahu wa ta'ala un bon prêt, et ce que vous faites avancer pour vous-même de bien, ce que vous faites de bien, eh bien vous allez le retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sera meilleur et une plus grande récompense encore. Alors cherchez le pardon d'Allah, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ça c'est le verset 20 dans sourate Al-Muzzammil. D'accord. Donc il reste à parler de Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, c'est quand même un bon... c'est quelques pages, donc je pense qu'on pourrait s'arrêter ici avec Zakat Urud al-Tijara qu'on a expliqué aujourd'hui. Puis on continuera donc dimanche prochain en expliquant les règles de Zakat al-Fitr. Qu'est-ce que ça signifie, c'est quoi les conditions, c'est quoi les règles, et la quantité qu'on doit payer et tout ça. Puis par la suite, comment faire sortir la zakat, et qui sont les gens qui méritent de recevoir la zakat. Ça c'est qu'est-ce qu'on va expliquer inshallah la semaine prochaine bi'ibnillah. Donc on va s'arrêter maintenant, puis donc à la semaine prochaine بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et je m'excuse encore une fois pour les confusions pour hier à propos du poids que j'ai donné qui était pas bon, mais bon, maintenant vous avez la bonne valeur inshallah, c'est 85 grammes le nisab de l'or, et pour le nisab de l'argent c'est 595 grammes. Donc جزاكم الله خيرا, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.